dire qu'on se connaît pas. Juste des lettres et un 33. Faut dire que j'aimais pas ce que t'aimes vraiment, vraiment pour moi. Tu me dis que t'as tous mes disques et que t'aimes vraiment ma musique. Et tu m'écris des mots. Je suis ton ami. Tu m'écris des mots pour tu me dis que je suis ton ami. Et plus je te devine, et plus je t'imagine, et plus ça me fait peur, plus ça me donne de bonheur. Et plus je te peut-être qu'un jour on se rencontrera, et peut-être bien que ça décevra. Peut-être qu'un jour tu m'oublieras.